com. Remis au lendemain en cas de pluie. Et à l'année prochaine en cas de neige. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro à la barre de cette avant-dernière émission de la saison 2015-2016. Ma comparse Jean-Tienne Lafrance est absente pour ce soir, mais bien sûr, elle sera de retour la semaine prochaine pour terminer avec moi en beauté la saison. Bien sûr, ça a passé vite, c'est fou quand même, toute une saison depuis septembre. Et il faut dire que, bien sûr, avec fin de saison vient aussi le gala de CKRL. Eh bien, je me permets ici de vous souligner qu'il y a donc le prix du public CKRL où vous êtes amené, bien sûr, à voter pour votre émission préférée. Eh bien, si vous avez apprécié l'aérospatiale tout au long de la saison, bien, je vous incite à aller voter pour l'émission, bien sûr, ou bien votre coup de cœur également. Donc, il s'agit tout simplement d'aller sur le site de CKRL, donc ckrl.qc.ca, et vous avez jusqu'au 23 mai pour voter. Sinon, le grand gagnant de ce prix du public sera dévoilé le 30 mai au bal du Lézard à l'occasion donc du gala de CKRL. En tout cas, on a bien hâte de vous voir et de voir aussi tous les artisans de la station à ce moment-là. Ce soir, eh bien, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, c'est une rencontre en première demi-heure avec le duo Doyon-Rivet au sujet de leur exposition qui est présentée à la Galerie Toi. On va parler de l'exposition, mais aussi on va s'intéresser également à faire le point, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le duo à Québec et aussi parler de d'autres projets qui sont présentés dans la capitale. Sinon, on va parler avec Marie-Claire Tremblay, bien sûr, notre chroniqueuse, pour dans le fond, jaser de l'exposition d'Alexandre Larose qui est actuellement présentée à la bande de vidéo. Donc, une exposition qui s'intitule « Scènes de ménage ». Sinon, Andréane Gagnon, notre autre chroniqueuse, va venir présenter « Empire » de Coralia Massège qui est en cours chez Engram cette fois-ci. Bien sûr, on vous rappelle de nous suivre, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux, bien même sur le web, parce qu'on a notre page web, bien sûr, où vous pouvez trouver toutes sortes de choses sur les arts visuels, les actualités, les émissions aussi en balado-diffusion si vous nous manquez, le calendrier des événements qu'on alimente vraiment et qu'on met à jour à toutes les semaines parce qu'il y a des événements qui s'ajoutent assez fréquemment, mais également vous allez pouvoir aussi réécouter la sélection audio de Simon Roy qui, à presque toutes les semaines, à vrai dire, nous propose, bien sûr, quelques extraits audio. Mais avant de passer justement à ce premier extrait, on fait un petit tour d'une revue de presse, hein, une courte revue de presse ici, pour voir qu'est-ce qui se passe en art visuel à Québec. On apprenait donc le 4 mai dernier que la Société de développement commercial de Montcalm en était sur un projet embryonnaire de porte de garage artistique pour le quartier Montcalm. À vrai dire, la SDC essaie d'inciter les propriétaires de ce quartier à transformer leur porte de garage en œuvre artistique, bien sûr, qui pourrait éventuellement faire partie d'un circuit touristique, qui sait. Jean-Pierre Bédard, le directeur général de la SDC, dit « C'est une initiative à transformer, une invitation à transformer l'espace citoyen en plus d'une intervention qui viendrait appuyer la signature du quartier des arts. » Parce qu'il faut dire, hein, bien sûr, que avec le musée, le nouveau pavillon du Musée national des beaux-arts du Québec dans le quartier, la rue, quartier notamment aussi. On essaie de transformer cet espace-là, bien sûr, en quartier des arts. Sinon, il faut dire que la SDC aimerait aussi impliquer des organismes dans cette initiative, dont Première Ovation, cette mesure de la Ville de Québec qui, bien sûr, encourage la relève artistique, donc des artistes de moins de 35 ans. Donc, histoire de constituer une banque d'artistes qui seraient désireux de mettre leurs pinceaux et bonbonnes au service de l'art public. Donc, un projet qui est à suivre, bien sûr, en Haute-Ville de Québec. Sinon, il faut dire aussi que la Ville de Québec et le réseau de transport de la capitale ont dévoilé dernièrement les finalistes du concours « La culture vous transporte ». Qu'est-ce que c'est exactement ce concours? Eh bien, c'est 6 œuvres qui ont été sélectionnées, donc des œuvres d'artistes de Québec qui étaient invitées à imaginer, à vrai dire, une œuvre d'art qui pourrait être placée sur un autobus du RTC. Donc, vous savez, des fois, on a des trucs publicitaires là comme ça aussi qui se font. Les autobus sont entièrement couverts là d'un vinyle. Eh bien, on s'est dit, ben pourquoi pas cette fois-ci faire un autobus tout plein d'œuvres d'art, bien sûr. Et dans le fond, le public est invité à voter, bien sûr. Vous êtes invité à participer. Et c'est la première fois qu'un projet comme ça se fait sur un autobus du RTC. Le véhicule, il faut dire, va sillonner le territoire de Québec pendant 2 mois. Et c'est quand même assez intéressant là, de voir comment tout ça va se traduire. Mais aussi pour vous aider à imaginer cette œuvre-là sur l'autobus, ces œuvres-là qui sont proposées sur l'autobus. Eh bien, on vous fait un petit croquis. On a fait une modélisation où vous êtes amené à voter. Donc, on peut voir notamment donc, dans les finalistes Annie Baillargeon, qui nous présente une très belle œuvre, donc la décapitation, donc un genre de collage, si on peut dire, numérique, bien sûr, très propre à cet artiste bien connu de Québec. Sinon, il y a Québec vrai de Pierre Bouchard, aussi un autre personnage dont on entend beaucoup parler à Québec, beaucoup dans le milieu du street art également. Sinon, on a le photographe Guillaume Dessire, qu'on a vu dernièrement à chez Michel Guimond aussi. Donc, si les objets pouvait parler, numéro 3, José Landry-Sirois, qu'on a reçu dernièrement à l'émission, Pierre et Marie également, ainsi que Georgia Volpe. Donc, vous pouvez aller voter pour ces œuvres-là. Vous avez jusqu'au 1er juin pour le faire et je vous invite à aller notamment sur notre page web ou bien même sur notre page Facebook pour, à vrai dire, pour aller voter. On a mis le lien aussi disponible là. Et une dernière nouvelle, la semaine dernière, le ministère de la Culture du Québec et le ministère du patrimoine canadien donc annonçaient leur contribution à l'agrandissement du musée d'art contemporain de Montréal. On sort un petit peu de Québec, mais quand même, c'est un musée qui a un impact aussi pour les artistes de Québec. Un investissement important, à vrai dire, ici, de 18 850 000 $ chacun, donc de ces paliers gouvernementaux-là vont investir cette somme. La fondation aussi du musée d'art contemporain investit 7 millions, donc tout ça pour un total de 44 millions, donc environ ici, qui permettra d'effectuer des travaux au musée, donc pour transformer de façon novatrice les espaces du MAC et aussi permettre de bonifier l'expérience muséale, notamment en augmentant l'espace qui est consacré à l'exposition des œuvres, mais aussi aux activités éducatives qui sont offertes, bien sûr, pour les jeunes. Également, on va essayer de mieux intégrer tout ça dans la place des arts, hein, bien sûr aussi, hein, à Montréal et le qui est devenu aussi le quartier des spectacles, bien sûr. Donc un lieu assez important pour les arts. C'est une bonne nouvelle pour le milieu des arts visuels, bien sûr, de Montréal, mais du Québec également aussi, qu'on investisse cette somme pour renouveler un peu aussi l'offre, bien sûr, et le bâtiment dans lequel c'est présenté. Alors, nous, on s'en va en pause audio cette semaine. Simon Roy nous propose la musique d'un artiste russe. Il fait, bien sûr, dans l'électronique. Il s'appelle Ilo Canblow et c'est sur le EP Still. Et on s'en va écouter comme premier extrait Take. Take. Alors, de retour à l'aérospatiale et j'ai le plaisir de m'entretenir, non pas avec un, mais bien deux artistes au bout du fil. J'ai le duo Doyon Rivet au bout du micro, du téléphone ici. Donc, Mathieu Doyon et Simon Rivet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous présentez actuellement une exposition à la Galerie 3, donc qui s'intitule, bien sûr, un certain nombre d'œuvres dont vous ignorez l'existence, mais il faut dire d'entrée de jeu que vous êtes avant tout deux gars de Québec, hein, bien sûr. Mathieu, je pense que tu es de Sainte-Foy et Simon de Beauport, c'est ça? Oui, c'est vrai. Je trouve très bien renseigné. Ah, quand même. J'ai mes sources. Donc, c'est intéressant parce que ça fait, faut rappeler aux auditeurs que ça fait maintenant déjà quoi, presque 15 ans que vous travaillez ensemble? C'est notre 15e anniversaire cette année, là, 2016. Exact, hein, c'est ça, parce que je regardais vos premières expositions étant en 2001, donc voilà, j'ai dit crime, c'est une belle manière de souligner le 15e anniversaire. C'est vrai. Alors, donc, il faut dire que vous avez aussi un travail qui a évolué, hein, aussi avec le temps, qui est aujourd'hui un petit peu différent de ce que vous présentiez au début. J'aimerais qu'on parle un petit peu de comment votre travail s'est développé parce qu'on sait qu'au départ, on était plutôt dans l'aspect, si on peut dire, le côté publicitaire, l'aspect corporatif, le jeu justement avec les médias, la publicité, alors qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus subtil. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu comment tout ça a évolué? C'est sûr qu'au départ, évidemment, c'était notre prémisse. Ça a été un peu notre l'occasion de commencer à travailler ensemble. C'était ça. Faut dire que si on s'apporte à l'époque aussi, on est dans l'époque, pour ceux qui ont connu ça, là, du magazine Adbusters, même si on faisait pas du tout ce travail-là, il y avait peut-être une prise de conscience un petit peu globale là, sur ce phénomène-là. Puis nous, on l'a toujours pris un peu à contre-pied en se disant, ben si la publicité utilise l'artiste, ben pourquoi pas utiliser la publicité? Mm-hmm. Mais bon, évidemment, ça c'est le départ, ça a donné des installations assez grandes. Mais par contre, on a toujours, même à cette époque-là, produit même de la photo qui est très documentaire. C'est drôle, ça a évolué de publicité peut-être à communication au sens le plus large. Puis, exact. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, la communication, ça a pris avec Internet, qui était évidemment qui était là à l'époque, mais quand même pas aussi présent qu'aujourd'hui dans le quotidien, même dans toutes les secondes de notre quotidien. Donc, ça a quand même évolué énormément. Je pense qu'on a comme un peu suivi, finalement, le phénomène. Exact, c'est vrai, effectivement. Puis c'est ça, tout est dans et un petit peu plus subtil parce qu'auparavant, faut quand même dire aussi, il y avait beaucoup vous jouiez aussi beaucoup sur le fait que vous êtes deux, c'est un duo, votre nom Doyon Rivet était très près là, de la compagnie, un peu comme BGL aussi a joué cet aspect-là aussi, ou en tout cas du moins aimait se faire un petit sourire, un petit regard à ça. Mais c'est effectivement, comme vous dites, ça s'est élargi à l'univers de la communication aussi, puis ça se sent bien également dans l'exposition aussi, surtout dans un projet de photo qu'on voit à l'entrée, je pense. Oui, ben, tout à fait. C'est un tout nouveau corpus qui s'appelle Florilège Overload 1, 2 et 3. Donc, c'est des portraits sur lesquels une partie des personnages qui sont représentés est couverte de une sorte de dégoulinure de fleurs. Donc, pour nous, grosso modo, c'est une sorte de réflexion un peu sur le monde du divertissement et des surcommunications à outrance dont on est envahi et qui, des fois, nous sortent par les oreilles ou nous envahissent le regard ou, enfin, voilà. Mais pour se renchérir sur ce que Simon disait tantôt, effectivement, au début, c'était on est un peu directement inspiré par la publicité, mais maintenant je dirais qu'on utilise plus, on fait presque quand même à des façons différentes de faire de l'art en utilisant souvent des matériaux qui sont plus proches du commerce ou du comme là par exemple dans l'autre série de photos qu'on présente à la Galerie 3, c'est des photos qui sont rehaussées de vinyle, donc c'est vraiment du vinyle dont on sert généralement pour faire du lettrage dans les fenêtres. Donc ce matériau n'est pas nécessairement à la base noble, mais On s'en est servi d'une manière qui fait en sorte que c'est presque notre façon à nous, comme on le disait en le faisant, comme on l'a découvert en le faisant. C'est comme une façon à nous de faire de la peinture, grosso modo. Exact, parce que... une sorte de matériau industriel. Oui, exact. Donc, c'est peut-être là aussi le lien avec la publicité aussi. Tu sais, c'est que je pense qu'on va en traiter, mais autrement maintenant. Puis de toute façon, oui, c'est vrai, plus subtil, mais vraiment, on est encore curieusement dans les mêmes tâches. Oui, exact. Et puis aussi, c'est intéressant parce que cette série dont vous parlez avec Rehaussé de vinyle, il y a des références directement avec des artistes ou la peinture aussi. Il me semble que j'ai entendu dire que c'est un peu votre manière de faire de la peinture avec de la photo. Oui. Ben effectivement, je dirais que c'est quand même notre travail le plus, on va dire, en guillemets, artisanal, au sens où ce vinyle-là, on l'a découpé ensemble à la main. On a décidé carrément tous les deux, est-ce que la forme est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce qu'on la rapetisse, est-ce qu'on la met là, est-ce qu'on en rajoute. Donc, c'est vraiment comme si on faisait de la peinture, sauf que, bon, évidemment, on collait du vinyle. Mais donc, il y a tout ce travail en duo aussi. Évidemment, on ne peut pas être deux à tenir l'exacto, mais quand même, on doit dessiner la forme, on doit... Donc, c'est une exploration pour nous qui est quand même nouvelle. Effectivement, réfère à la peinture. C'est là aussi que... Tantôt, tu disais qu'on faisait des petits clins d'œil au corporatisme et tout ça avec humour. Mais là, notre humour là-dedans, on a vraiment allé chercher dans les titres, mm-hmm. en référant avec des peintres, par exemple, à Bordeaux. D'ailleurs, la première qu'on a faite, elle s'appelle Bordeaux Vieux-Cité, parce que c'est une maison de banlieue. En fait, c'est même la maison que Mathieu habitait à Sainte-Foy dans ces années-là, les années 70. Et puis, ils ont été rehaussés un peu. Le coup de vinyle pourrait ressembler à certaines toiles, mais vraiment vaguement, là, mais certaines toiles de Bordeaux. Donc, ça nous a inspiré un peu tous ces jeux de mots un peu comiques avec les peintres. Exact. C'est vraiment des clins d'œil aussi, là. Comme on le dit, c'est pas nécessairement reprendre une œuvre dans son entièreté, mais des petits clins d'œil comme ça, sympathiques, là, pour ceux qui ont les références, là. Je dirais que ça a comme été l'espèce de touche finale. C'est-à-dire que quand on a trouvé ce premier titre-là, ensuite, on découlait tous les autres titres. Ça nous a mis comme une série de... d'œuvres qui ont cette référence à l'histoire de l'art du 20e siècle. On trouvait ça sympathique. Puis, ça nous fait rire aussi, c'est important. Ben oui, c'est certain, parce que c'est comme tu le disais, je pense, Simon, l'humour est toujours aussi très très présent chez Doyon Rivet depuis les débuts aussi. Ouais, oui, c'est un des critères, je dirais. C'est pas le seul, évidemment, là. Faut pas nécessairement... Je pense pas que nos œuvres, c'est pas non plus des blagues, là, comme telles, mais il y a toujours un moment dans la création où quelque chose qui nous fait rire, puis généralement, c'est un bon indice pour nous, pour savoir si l'œuvre fonctionne ou si celle-ci, ça nous ressemble aussi. C'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup d'art qui se prend très au sérieux. Mm-hmm. On fait les choses, nous, très sérieusement, mais il faut quand même, pour nous, qui a un petit pétillement, quelque chose qui nous fait rire, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui, je comprends. Puis en même temps aussi, c'est pas comme on dit, c'est pas nécessairement un humour, excusez l'expression anglaise, un one-liner joke, là, tu sais, juste punché, mais il y a quand même quelque chose. Puis il y a un humour, des fois, dans certaines œuvres aussi, qui, je me souviens notamment avec Logo Pagus, votre superbe mascotte, où parfois c'était un humour parfois un peu noir, ou du moins étrange, si on peut dire. Un peu grinçant, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Mais je pense que c'est notre côté, je pense que c'est la petite touche Québec, ça. Tu sais, tantôt, tu parlais de nos autres contemporains, oui. Les hommes de notre génération d'artistes de Québec, on dirait qu'on a un peu ça, tous en commun, ce petit côté humour, évidemment, variable et tous différents, mais quand même, on aime bien rire, tout le monde, je pense. Exact. C'est sûr que pour revenir à Logo Pagus, peu importe que l'humour soit noir ou non dans les différentes œuvres, mais déjà, juste le fait... en art contemporain, de choisir de se faire une mascotte à notre effigie, mais comme un bonhomme habillé en veston, disons que c'était un peu à contre-courant et oui. Ça prenait une bonne dose d'humour. Là, pour et si à moi en plus. Pardon, oui, c'est ça, une mascotte siamoise soudée par la tête. Et puis, il y a aussi un autre, un autre projet aussi dans cette exposition-là où ça fait un petit peu suite aussi à certaines choses qu'on a vues par dernièrement, plus récemment, donc des objets photographiques, si je peux dire mm-hmm. aussi, oui, des objets très, très intéressants aussi qu'on peut voir, certains qui nous font rire, mais d'autres aussi qui, en tout cas, moi, je dois dire que celle avec la chaussure, notamment, là, m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait sourire, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très actuel aussi dans le propos de cette œuvre-là. Oui. Ben oui, écoute, c'est une série qu'on a commencé il y a quelques années quand même. Une série, comme tu l'as très bien dit, d'objets photographiques. Donc, là-dedans, notre travail, c'était de choisir un objet qui est signifiant, qui veut dire quelque chose, qui porte déjà une sorte de communication, de symbole, ou peu importe. Un objet souvent quand même du quotidien, très mm-hmm. commun. Puis on choisit des objets qui deviennent des supports à des photographies. Donc, la première erreur qu'on a faite dans cette série-là, c'était des paniers de basket. Peut-être que certains les ont vus à Québec, on les a présentés il y a quelques années à Québec, des paniers de basket dont le panneau, si tu veux, devient le support d'une photo. Donc, c'était notre version des natures mortes. Il y avait nature morte aux fleurs, nature morte aux poissons. Ensuite, on a fait une série où c'était les cinq tambours d'une batterie, d'un drum, qui représentaient cinq profils de femmes, un peu à la manière des camées, ces petits bijoux de l'ancien temps. Bon, mm-hmm. puis bref, c'était comme un peu la vie qui passait comme un roulement de drum, là. Donc le plus petit tambour était orné par une fillette et le bass drum était orné par une grand-mère, disons. Oui. Et puis là, ben là, c'est ça, dans l'expo en ce moment, il y a de nouveaux objets, effectivement. Je ne vais pas nécessairement vendre tous les pommes parce que c'est quand même il y a des surprises. Mais c'est oui, vraiment c'est ça. C'est la poursuite de cette recherche-là, cette réflexion-là. C'est toujours l'idée, c'est toujours que le sujet de la photo est vraiment comme un peu en contradiction avec l'objet lui-même et vient comme annuler la fonction première de l'objet. Donc l'objet n'est plus utilitaire à cause de la photo qui est mise dessus. Puis, on a appelé cette série-là les objets du système. OK, oui. Donc, c'est le titre, le grand titre de la série, évidemment, c'est un titre, là, mais il y a beaucoup encore là. Curieusement, il y a encore des références à l'art là-dedans. Entre autres, une qui s'appelle le nature morte aux fleurs, nature morte aux poissons, comme disait Mathieu, les camées. Mm-hmm. Bon, il y a une référence à certains, une qui s'appelle Nu détail. Mais là, on vous invite à aller la voir. Là, oui, vous l'avez fait. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais donc, c'est ça, encore une fois, là-dedans, on se rend compte que c'est trois corpus différents, mais il y a quand même des choses en commun. Puis même en les installant ensemble, il y a des choses qui se sont révélées à nous, même qu'on n'avait peut-être même pas vu encore. Il y a beaucoup de références, justement, à notre enfance à Québec. Même si c'est quelque chose qui semble très universel, la manière dont on en parle, il y a quelque chose de très personnel, au final, dans l'exposition. Mm-hmm, exactement. Et puis, il nous reste seulement quelques minutes. J'aimerais quand même aussi aborder le fait que vous avez une œuvre qui est présentée dans le parcours « Où vas-tu quand tu dors en marchant? » donc du Carrefour international de théâtre. C'est quand même une œuvre, je vous dirais. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de la voir encore l'an dernier, mais tout le monde m'en parle en me disant « Wow, c'est vraiment une superbe œuvre. Il faut aller la voir. » Est-ce que vous pouvez en glisser un mot aussi? Où est-ce qu'elle se trouve dans le parcours? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce projet-là? Ben, en fait, le lieu qui nous a été suggéré pour le parcours, c'est tout près du parc de l'Artillerie. Donc, c'est une sorte de... C'est une zone un peu étrange et très peu connue par les gens de Québec. Ça ressemble à une sorte de parking, en fait. Là. Mm-hmm. C'est assez grand. Donc, c'est un grand défi quand même pour nous de bien meubler cet espace-là. Donc, après de nombreuses tribulations et idées rejetées et mijotées, on a fini par s'arrêter sur le concept du cinéparc. Donc, on installe là un cinéparc pour lequel on a fait nous-mêmes un film. Donc, mm-hmm. c'est une boucle de 15 minutes qui est projetée sur l'écran. Et sans vouloir tout dire... C'est juste que les voitures réagissent à ce qui se passe sur l'écran. Donc, c'est un film très impressionniste, un film qui n'est pas narratif. Là. C'est une série de une suite de scènes qui n'ont pas nécessairement de lien direct entre eux. C'est quelque chose d'assez hypnotisant, dans ce film-là et dans le rapport qu'entretient avec la série de 30 voitures. Donc, on est très content, en fait, de participer à ce superbe événement, puis deux, on est très content de ce que ça a donné, du résultat final, parce que je pense que c'est une œuvre qui fait appel à beaucoup de choses qu'on peut faire à l'interne, qui regroupe toute une bonne partie des forces de ce qu'on est capable de faire. Oui. Ben, c'est ça, puis on a approché ça vraiment comme de la sculpture aussi, ce qui est quand même particulier parce que c'est énorme. Là. T'sais, Mathieu le dit, mais c'est une trentaine de voitures, puis c'est un écran de 40 pieds, donc c'est une autre échelle là, que ce que notre travail à la Galerie 3. Exact. Et puis c'est ça, puis nous qui avions fait à la bande vidéo quelques années des films d'une minute pour que les gens, pour les gens pressés, là, c'est un film de 15 minutes, donc on est vraiment ailleurs. Mm-hmm. Et puis c'est ça, donc on est vraiment, vraiment à une autre échelle. C'est encore là, une œuvre qui, à quelque part, parle de divertissement, ce qui est un peu fascinant parce que c'est une œuvre extrêmement séduisante. Et ça parle un peu de ça aussi, c'est-à-dire que l'archétype, le symbole du cinéparc, évidemment, bon, c'est vieillot, là, ça date des années 50, mais c'est encore relativement actuel aujourd'hui parce que aujourd'hui, on n'a plus un seul écran, on en a des milliers, mais exact. Des fois, on regarde un peu tous dans la même direction quand même. Puis souvent, on est un peu tout le monde ensemble, mais tout seul dans sa bulle aussi. Donc, il y a beaucoup de liens à tisser, je dirais, avec la situation actuelle. Évidemment, couplé au côté spectaculaire de ça, ben ça donne un travail duquel on est vraiment en pierre. Ben oui, puis comme je vous dis, moi, on m'en a beaucoup parlé. Alors, merci beaucoup, les gars. On va passer voir ça. Certainement, c'est 3 fins de semaine d'affilée, donc 26, 27, 28 mai, le 2, 3, 4 juin. Est-ce que le 9, 10 et 11 juin? C'est super parce que ça tombe en même temps que votre expo aussi, donc on peut faire une pierre deux coups. Allez voir ça l'expo, puis allez voir là, exact. L'expo, on le rappelle, c'est jusqu'au 12 juin à la Galerie 3. Mathieu et Simon, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir jasé de tous ces beaux projets que vous avez là, en vous souhaitant une très belle soirée à tous les deux. Merci beaucoup, Audrey. C'est un plaisir. Bye bye. Bye bye. Alors nous, on s'en va tout de suite en pause commerciale et on vous revient pour la deuxième moitié d'émission. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le 32e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 19 au 22 mai 2016. Au programme, le quatuor Bozzini avec Kim Meir, Julie Tippett et Martin Harker Ensemble, Tania Tagak avec The Element Choir, Tony Wilson, John Zorn, George Lewis, Musica Electronica Viva et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Du 19 au 22 mai 2016, venez à Victo vivre l'expérience du 32e FIMAV. Et on poursuit avec l'aérospatiale, toujours Audrey Caro avec vous et je suis en compagnie de Marie-Claire Tremblay. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Audrey. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien et toi? Ben oui, certainement. Alors tu es ici pour nous parler d'une exposition de Alexandre Larose à la bande vidéo qui s'intitule « Scène de ménage, études mm-hmm. », mais où on y voit donc aussi également une autre œuvre intitulée « Brouillard ». Finalement, ce sont deux projections vidéo qu'on est amené à voir là-bas. Est-ce que tu peux nous glisser un mot un peu sur cette exposition-là ou sur l'artiste? Oui, oui. Ben en fait, j'ai découvert cet artiste-là vraiment en allant voir l'exposition. Puis je dois dire que au départ, ben je suis allée lors de la journée de vernissage, tu sais, après une journée de travail, beaucoup de monde dans l'espace, puis bon, moi, j'étais un peu distraite aussi par les gens, puis tout ça. Mais j'ai été vraiment piquée dans ma curiosité par rapport à cette œuvre-là que je trouvais au niveau esthétique très intéressante, qui m'interpellait beaucoup, en fait, donc qui me rendait vraiment curieuse. Donc, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la technique de cet artiste-là, puis un peu plus aussi sur son travail. Et là, j'ai vraiment... Ben, je suis retournée, en fait, revoir, et j'en ai appris un petit peu plus, justement, sur le travail de cet artiste-là, qui a une technique vraiment originale, vraiment inédite. C'était intriguant aussi, oui. Quand on regarde l'image, là, on se questionne à savoir, mais comment tout ça se fait, là? Exact, ouais. Exact. Puis je t'avoue, j'étais tellement dans un moment léger. Moi, ma référence à ça, c'était vraiment la myopie. En fait, okay. Quand je vois une image floue, justement, ça me fait vraiment référence à ça. Donc là, je voulais en savoir un petit peu plus. Puis j'ai appris, justement, en lisant sur la démarche qu'on m'a fournie à la bande vidéo, que c'est vraiment... l'artiste, il fonctionne par la surimpression, en fait, de plusieurs couches sur une même pellicule de caméra. Donc là, il faut penser qu'il ne travaille pas avec la caméra numérique, mais plutôt avec une caméra ancienne. Là, exact. C'est soit 16 mm ou 35 mm. Là. Donc, il réutilise, il refilme constamment sur le même film. Exactement. Donc ça surimprime par-dessus à chaque fois, donc c'est... Exactement, plusieurs moments différents. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment utiliser la totalité de la pellicule. Ensuite, il va aller rembobiner en chambre noire. Il va recharger la caméra et refaire, réimprimer dessus. Donc, pour l'œuvre, par exemple, Brouillard, ben qui est vraiment... C'est très intéressant parce qu'on est dans la lenteur. Ouais, hein? Ouais. Ouais. C'est très... Moi, j'ai trouvé ça. Dans le fond, on est dans un sentier, finalement. Oui. Mais ça devient... Surtout cette œuvre-là, je trouve qu'on perd un peu nos repères, en quelque sorte, à cause que ça... La surimpression aussi, il faut le dire, c'est tout un calcul également, parce que j'en disais de ça tout à l'heure avec l'équipe de la bande vidéo, puis il me disait... J'ai dit, oui, mais si on y pense, c'est parce que si tu peux pas, faut que tu calcules le nombre de fois que tu vas réimprimer, sinon l'image disparaîtrait, tout serait trop clair. Mais effectivement, l'image devient, comme tu disais, un peu flou. Un peu flou, mais en même temps, c'est intéressant parce que on voit comme en genre de filigrane, on voit ces couches-là passer. Donc, au départ, on a peut-être un tout flou, hein, c'est ce que j'ai vu au départ, ça, puis la couleur très, très vive, qui est très interpellante pour l'œil. Le beau vert, là. Exactement, le bleu aussi, presque violet, parfois, du ciel. Mais on va voir comme ça les fleurs passer, les herbes qui vacillent. Parfois même, il y a des éléments qui passent à côté. J'ai pas trop compris qu'est-ce que c'était tout à fait, mais donc on découvre au fil de la vidéo justement ces petits détails-là qui contredisent peut-être un peu ce que l'artiste a appelé le mouvement moyen, qui est vraiment le flou un petit peu indescriptible. Mais c'est quand, par la surimpression, moi je trouve que c'est que ça vient donner aussi une espèce, on dit flou, mais ça donne une certaine fluidité au mouvement des feuilles, par exemple, ou du feuillage qui est là, ou au mouvement de l'eau aussi, quand on se rapproche de plus en plus de l'eau. Et puis, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ça donne aussi une texture, ce qui n'est pas toujours évident de faire avec de la vidéo, je trouve, là, mais là, vraiment, ça donne une texture très particulière à l'image. Oui, comme si vraiment on avait envie de toucher ou, je sais pas, d'entrer un peu dans l'image. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça apaisant aussi, toi, comme surtout vidéo? Celle-là, oui, ouais, exactement. Hein? Mais moi, je trouvais que à la fois, c'est intriguant. Il y a quelque chose aussi d'hypnotisant. Ouais, parce c'est que, ça. Puis de très contemplatif. Tu sais, pour justement, on parlait tout à l'heure avec Doyon Rivet, comment on a toujours le nez aussi rivé devant des écrans et tout. Ben là, vraiment, c'est un écran, mais on est fasciné, je trouve, quand on regarde ça, là. Puis oui. On a juste le goût de rester là, puis de regarder. Puis c'est intéressant, ça, parce que, justement, la vidéo, pour bien la vivre, pour bien la comprendre, mais il faut prendre le temps aussi de rester devant. Puis là, je trouve que c'était le fun, parce que, justement, ça nous transportait dans un état second qu'on n'atteint pas souvent. C'est un état vraiment contemplatif. Oui. Et l'autre œuvre, ben là, c'était fameux. Moi, j'ai vraiment adoré aussi, okay, cette autre œuvre-là. Parce qu'encore une fois, on a de la surimpression. Mais pour les personnages, en fait. Donc, ils sont dans un autre contexte. Dans un contexte. Aussi, là? Exactement, exactement. Donc là, c'est presque rigolo des fois. On est dans des scènes quotidiennes, mais ces humains là ces personnages là ont des allures de, je sais pas, très volatiles. Ils perdent un peu leur allure humaine, quelque chose de fantomatique. Oui, un très peu. Fantomatique, c'est ça. Et ben là, moi, je m'arrêtais pas de penser à Marcel Duchamp et son fameux nu descendant l'escalier. C'est vrai, oui. Parce que c'est tout à fait ça qu'on voit, mais dans une image en mouvement. Et ce qui vient vraiment, je trouve, ajouter quelque chose à cette vidéo-là, c'est le son. Oui. C'est hallucinant ce qu'il a réussi à faire avec le son, parce que c'est encore cette même technique-là, mais là, je connais pas dans les détails. Ben, on m'a dit que c'était numérique. Dans le fond, il l'enregistrait de façon numérique, mais l'image, elle, était encore une fois sur pellicule, c'est et ça. Tout, mais il a essayé un peu de reproduire, si le je peux dire, effet. Le même effet, mais à l'aide du son. Okay. Mais tu sais, c'est hallucinant, là. Quand on, juste à entendre la porte de frigo se fermer, c'est comme une cacophonie. Comme de multiples fois, oui, ouais, c'est ça qui est démultiplié, qui résonne un peu. Je rigolais aussi à entendre les ustensiles qui claquaient dans les assiettes. Donc, c'est vraiment, ça donne vraiment un caractère inédit, je trouve, très, très intéressant. Et puis, il faut dire, c'est les parents, en plus, de l'artiste. Oui. Et puis, c'était rigolo parce que tout à l'heure, dans le cahier des visiteurs où on peut laisser des commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit « Tes parents sont patients ». Parce qu'il faut penser que, tu sais, quand on dit de multiples couches, c'est pas trois ou quatre, là, mais on peut parler de dizaines, exactement. Oui, quelque chose comme ça, OK. Exact. Fait que c'est vraiment très intéressant. Puis le fait aussi que ce soit pas parfait, qu'on refasse pas à chaque prise le même mouvement, mais c'est ce qui donne cet aspect, oui, fantomatique, mais aussi très... je sais pas, c'est pas robotique, non, au contraire, c'est pas tant organique, mais enfin, en un entre-deux entre le robotique puis l'organique. Ouais. Là, mais... Parce que quand même, j'ai lu aussi qu'il utilisait une caméra qui pouvait photographier, en fait, ben j'ai noté ça là, dans mes petites notes, là, 150 images par seconde, de façon vraiment à ralentir le temps et à étirer les détails du mouvement. Fait que même s'il y a cette démultiplication-là, même s'il y a cette surimpression-là sur la pellicule, il y a quand même quelque chose aussi qui force à ce que le temps soit plus lent. Donc vraiment qu'on sente toutes ces couches-là. Mais plus, je pense que c'est plus rapide, mais il le ralentit. Il, ouais, il après, ralentit, c'est ça. Ouais, le fait qu'il y ait plus d'images, parce que d'habitude, c'est 24 images secondes dans les standards, mais là, ça permet vraiment de ralentir plus facilement le temps, effectivement. C'est ça. Puis je me suis mis à lire aussi sur l'artiste, très intéressant, en fait. Il est étudiant en cinéma puis en art, mais au départ, il y a une formation en ingénierie mécanique. Fait que justement, c'est intéressant parce que toute cette fascination-là pour le mouvement, tu sais, ça prend son sens aussi dans la formation qu'il a. Puis il y a quelque chose de très scientifique aussi à ce travail-là, d'exploratoire quand même. Exact. Puis aussi, ça montre aussi la minutie et le souci du détail. Parce qu'en fait, je connais des ingénieurs autour de moi. Mais il y en a beaucoup qui sont assez minutieux aussi dans leurs projets, dans leur façon, comment ça va être fait, comment tout ça est placé. Fait qu'enfin, une exposition à voir finalement. Vraiment, oui, tout à fait. Coup de cœur, oui. Puis c'est pas si long aussi. On dit ça prend du temps, mais ça prend pas 2 heures non plus à voir, mais on reste vraiment rivé devant. Moi, c'est ça qui m'a fascinée, de l'art vidéo qui nous captive. Ben voilà, c'est vraiment ce qui nous attend avec Scène de ménage de Alexandre Larose. Oui, allez-y en grand nombre, ça vaut la peine. Et c'est jusqu'au 5 juin qu'on peut voir tout l'exposition. Alors, Marc-Claire, merci beaucoup. Ben merci à toi, Audrey. Ça fait plaisir. Alors, on s'en va en pause audio. On va écoutez toujours Ilo Candlo et c'est The Balance Between. Andréanne Gagnon, bonsoir. Bonsoir Audrey. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, certainement. Alors, tu es ici pour nous parler de cette exposition Empire de Coralia Massège qui est présentée à Engram actuellement. C'est une artiste qui a remporté un prix. C'est un échange, finalement, qui est à l'origine de cette exposition-là? Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet qui est présenté dans le cadre de la troisième édition du programme d'échange entre Engram et la Society of Scottish Artists de Édimbourg en Écosse. Mm-hmm. Alors, ce qu'on retrouve en salle en ce moment chez Engram, c'est vraiment une présentation de Coralia Massège. C'est une exposition multidisciplinaire, j'aurais envie de dire. Donc, c'est une artiste qui a vraiment beaucoup d'intérêt à la base de son processus créateur. Elle s'intéresse beaucoup à l'architecture. Il y a les arts graphiques aussi qui sont très présents, qui influencent beaucoup son approche artistique. Mm-hmm. Puis finalement, j'aurais envie de dire qu'il y a aussi toute l'idée de conception spatiale qui est clairement au cœur de sa création. C'est ça que j'allais dire. Quand on va visiter son site web, on voit que c'est assez élargi, les projets. Là, même ça s'étend, pas juste justement à l'art imprimé ou graphique, mais on est vraiment dans dans l'investissement de l'espace aussi là, dans certaines de ses œuvres. En effet, c'est une pratique qui couvre très large, vraiment des arts graphiques jusqu'à carrément du design d'espace, exact. J'aurais envie de dire. Oui, c'est bon terme. Oui, c'est ça. Puis dans le cadre de cette exposition-là, elle interroge tous ces éléments-là, toutes ces particularités-là, mais je dirais en fait qu'elle se penche surtout sur les possibilités de composition, décomposition d'images pour créer, si on veut, de nouveaux espaces. Mm-hmm. Donc, elle parle de sujets photographiques dans le cas de ce qui est présenté chez Engram, puis c'est aussi ce qu'elle a fait dans ses précédents projets exact, là, récemment. Oui. C'est vraiment des architectures industrielles qui sont photographiées, puis elle déconstruit ces sujets-là pour en reconstruire d'autres. C'est ça, finalement, c'est des fragments de d'architecture industrielle qui se chevauchent ou qui se côtoient à côté sur les œuvres. C'est exactement ça. Mais il y a une subtilité puis une importance, en fait, à se rendre directement en salle mm-hmm. parce que elle joue beaucoup avec l'accumulation d'images. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu trompeur. Il y a vraiment une ambiguïté derrière ces œuvres-là parce que quand on s'approche, on constate des fois qu'il n'y a même pas d'accumulation de strates. Ça va être vraiment un jeu au niveau de l'impression, si on mm-hmm. veut, directement sur papier. Donc, elle s'amuse vraiment à déconstruire les images, en reconstruire d'autres. Puis, il y a une altération aussi de ces images photographiques-là par le procédé d'impression. Donc, il y a vraiment une altération à cause de la trame qui apparaît en raison de la sérigraphie, etc. Il y a quelque chose d'assez intéressant derrière ces œuvres-là parce que ce sont des œuvres multicouches. Il y a vraiment plusieurs couches qui les composent et ça crée justement tout un effet de profondeur aussi à mm-hmm. On pourrait dire des paysages urbains. C'est carrément comme ça qu'on pourrait les nommer. Oui. Puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le fait qu'elle se positionne dans ce cas-ci vraiment à mi-chemin entre l'estampe et la photo. Les sujets sont photographiques, mais quand on regarde les œuvres en salle, il y a vraiment des éléments qui proviennent du langage en estampe. Exact. Donc, il y a le gaufrage, il y a aussi les papiers qui sont très texturés. On a toutes, si on veut, les matières et les détails d'impression sur ces papiers-là. Puis elle travaille beaucoup en positif et négatif. Puis mm-hmm. ça, tant qu'à moi, c'est beaucoup plus photographique qu'estampe, au sens où quand je suis entrée en salle, moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'était des pellicules argentiques. Ça me faisait penser à ça, mais tu sais, c'était, donc, disons, très, très grand. Là. C'est comme si ça serait surdimensionné. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il y a quand même vraiment un bon lien à faire entre la photo, l'estampe, dans ce cas-ci. Puis c'est vraiment un travail, oui, de l'espace, mais un travail surtout à l'intérieur. L'espace, en fait, se trouve à l'intérieur du papier. C'est comme si c'est circonscrit vraiment dans les œuvres. Parce que j'avais lu un peu le communiqué, puis avant de me rendre en salle, je pensais que ça allait être encore plus explosif. Je pensais vraiment qu'on allait en retrouver un peu partout sur les murs, puis que ça allait, si on veut, s'imprégner aux spécificités de l'espace de chez Engram. J'aurais peut-être aimé ça. En fait, j'aurais été curieuse de voir où ça aurait pu se rendre avec une exploration plus poussée. C'est ça, ben surtout le fait que on le sait, justement, on parlait de design d'espace au début, ça aurait pu avoir été exploité, mais en même temps, des fois les temps impartis viennent jouer dans tout ça. Ça là, c'est certain. Le temps, puis aussi le fait que bon, c'est quand même une artiste qui n'est pas du Québec, donc exact. Elle connaît pas l'espace, elle l'a jamais vu. Donc j'imagine qu'elle devait composer aussi avec justement des temps plus limités en termes de justement d'installation, de travail également en atelier, etc. Mais quand même, ça reste intéressant, ce dialogue, comme tu le dis, finalement, entre photo et art imprimé, ça amène, je trouve, une autre façon de voir les arts imprimés aussi, en tout cas, qu'on a peut-être moins vu récemment, ou en tout cas, c'est pas nouveau, là. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en fait, c'est vraiment à la limite entre certaines disciplines, c'est vraiment un hybride des deux disciplines ensemble. Puis quand on entre en salle, il y a un petit communiqué qui présente le projet, puis en fait l'artiste a pris la peine plutôt de citer une partie du texte des villes invisibles. Okay. Donc vraiment c'est intéressant aussi quand on s'attarde à ça, qu'on s'attarde également à son projet, on sent que c'est un point de départ ou c'est quelque chose qui est présent depuis quand même un bon moment. Puis justement elle expérimente ou elle fait des recherches au niveau de cette ville-là impossible ou invraisemblable, tu sais, qui vient tout droit de son imaginaire, parce mm-hmm. que c'est des fragments d'images de villes qui ont été visitées, mais ensuite c'est reconstruit. Une réalité déformée, reconstruite, là. Oui, vraiment, tout mm-hmm. à fait ça. Super. Eh bien, Andréane, on va aller visiter cette exposition qui a cours, elle également aussi, jusqu'au 12 juin. Mon Dieu, c'est une date qui revient aujourd'hui. Donc, jusqu'au 12 juin, on va pouvoir voir ça. Et on me disait aussi tout à l'heure chez Engram que pour la Nuit blanche, dont on vous parlera à la prochaine émission, vite, vite, Nuit blanche, donc où les espaces de galerie de Méduse vont être ouverts le 3 juin prochain entre 20h et 2h du matin, eh bien, il va y avoir une projection dans l'installation de Coralia, donc qui va être un ajout finalement à ce qui est présenté actuellement. Donc, ça va valoir la peine de se déplacer justement. Puis ça va être bien sûr un petit peu plus tard. Là, je sais pas, il me semble à 20h, ça reste quand même un petit peu clair. Fait que peut-être, j'imagine, quand la nuit va être tombée, cette projection-là va être activée et peut-être qu'on redécouvrira l'exposition aussi avec un autre œil, avec cette vidéo-là qui viendra s'ajouter. Mm-hmm. Avec une couche de plus, une couche de plus, exactement, oui, oui. Alors, merci beaucoup d'avoir été voir ça pour nous, Andréane. Donc, on fait une courte pause audio et on revient avec les événements de la semaine. L'émission s'achève et comme à chaque semaine, on vous fait un petit aperçu, on donne un aperçu des événements de la semaine et il y en a plusieurs, je dois vous dire, cette semaine, donc soyez attentifs. Ce mercredi, il y a donc le vernissage de 30 ans Tchernobyl du photographe Guillaume Dessire, hein, dont on a parlé tout à l'heure avec le concours du RTC de la Ville de Québec. Donc, c'est à 17h au Cercle, bien sûr, sur la rue Saint-Joseph. Sinon, à 19h30, c'est l'inauguration du parcours Lumière sur l'art, donc 2016-2017. Vous savez, ces grands abat-jour qu'on peut voir sur la rue Cartier, eh bien, ils ont été renouvelés et on va demain, donc à compter de 19h30, inaugurer officiellement donc les œuvres de Rita Le Tendre et de Jacques Urtibiz qu'on va pouvoir voir sur ces abat-jour-là. C'est la commissaire Maude, ben c'est Maude Lévesque, bien sûr, qui assure le commissariat de ça, qui est la conservatrice de la collection près d'œuvres d'art au musée également de l'engagement public. Et c'est un partenariat entre le Musée national des beaux-arts du Québec et la SDC Montcalm. Donc, vous allez pouvoir voir ça, bien sûr, là-bas, demain soir. Sinon, jeudi, conférence de Kai Quinn et de Monty Kansin au lieu, centre en art actuel, bien sûr, sur la rue du Pont. C'est à 16h et c'est ouvert à tous. Moi, je vous suggère fortement d'aller voir ça. Monty Kansin, qui est un personnage assez coloré, qu'il faut dire, et il va notamment porter son intérêt sur l'engagement envers le néoïsme. Donc, il va traiter de différents aspects de son ambition créatrice et destructrice, de son implication sociopolitique, des réseaux, des activités anti-gentrification, des campagnes de sang, etc. Bref, ça risque d'être assez intéressant. Sinon aussi, Kai Quinn va parler de la situation de la performance et l'art-action en Chine. Donc, voir un peu quels sont ses grandes caractéristiques comme ses principaux protagonistes là-bas. Donc, une belle soirée de conférences, donc à compter de 16h au lieu. Sinon, vendredi, c'est la remise des prix et bourses des finissants au baccalauréat, donc en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. C'est à 17h à l'École des arts visuels, donc la fabrique au troisième étage, local 3312, notamment le prix Louis Garneau, le prix René Richard au premier et deuxième cycle, prix de la Vigie, prix Avatar, Engramme, Folie Culture, la bande vidéo, la Chambre Blanche, l'œil de poisson, Vue et Inter, le lieu. Donc vraiment, ils sont gâtés, les étudiants en arts visuels, d'avoir tous ces beaux prix. Sinon, dimanche, il y a deux activités très intéressantes, donc un après-midi de jeux à matériaux, donc pour la dernière journée de l'exposition Récréation, Recréation, la matière en jeu. Donc, c'est de 14h à 17h. Et donc, ça va venir clore cette exposition qui se termine ce dimanche, donc 22 mai. On va pouvoir notamment interagir avec les œuvres. Mathieu Vecteau va venir présenter les dessous de sa machine à popcorn, bien sûr. Et Olivier Roberge va préparer notamment un jeu de bois interactif où on va pouvoir jouer, bien sûr, avec tout ça et d'autres activités également. Sinon, on a la projection aussi, une projection spéciale Vidéoparc, donc de Nathalie Leblanc, et c'est en collaboration avec Avatar, mais aussi nos collègues de l'émission La Croche-Oreille qui est diffusée ici sur les ondes de CKRL. C'est donc ce dimanche, entre 21h et 22h, on peut finalement, c'est un genre de ciné-parc, si on peut dire, où on va pouvoir aller voir, c'est présenté au 26 rue de la Pointe aux Lièvres à Québec. Donc, encore, on était avec les cinéparcs tout à l'heure de Doyon-Rivet. Bien là, ici, c'est présenté dans une forme assez inusitée. Et à la radio, on va pouvoir entendre simultanément donc le contenu sonore qui va être diffusé donc en direct de l'émission L'Accroche-Oreille. Donc, à ne pas manquer ce dimanche de 21h à 22h, bien sûr. Sinon, il faut dire que lundi prochain, c'est l'ouverture de l'exposition « Différents degrés » de Julien Lebargie et Marie-Claude Drolet à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. C'est au local 2470. Et bien sûr, dernière semaine, donc oui, pour voir l'exposition à Materia, mais aussi « Bon deuxième » de Charles-Étienne Brochu dans la vitrine de Manif d'art. Et vous avez aussi jusqu'à lundi pour voir Passion privée, l'art moderne de la collection Pierre Lassonde au Musée national des Beaux-Arts du Québec, qui sera bien sûr ouvert spécialement lundi pour la fête des Patriotes. Et si je ne m'abuse, c'est pas mal dans les derniers moments avant la grande réouverture, hein, parce que le musée va fermer ses portes par la suite et il va avoir grande réouverture avec le nouveau pavillon le 24 juin prochain. Alors, voilà, c'est ce qui fait le tour des événements. Si vous voulez tout, ne rien manquer, bien sûr, consultez notre page l'aérospatiale ckrl.wordpress.com. Je remercie mes invités, Doyon Rivet, mais aussi mes collaboratrices, Marie-Claire Tremblay et Andréane Gagnon, également Simon Roy pour sa sélection audio et, bien sûr, comme toujours, notre magicien des ondes, Jacques Gignac, à la mise en onde. Salutations à ma co-animatrice Gentiane Lafrance et je passe le flambeau à Pierre Blais et son émission Situation critique. On se dit à mardi prochain pour la dernière de la saison. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com. Le 32e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 19 au 22 mai 2016. Au programme, le Quatuor Bozzini avec Kim Meir, Julie Tippetts et Martin Harker Ensemble, Tania Tagak avec The Element Choir, Tony Wilson, John Zorn, George Lewis, Musica Electronica Viva et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Du 19 au 22 mai 2016, venez à Victo vivre l'expérience du 32e FIMAV. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Sous le soleil de Saint-Roch-Capulco, venez assouvir votre soif de plaisir entre une sangrivière et deux pas de danse. Une ouverture sous les signes de la joie avec les airs déjantés de Paul Michello et de son fabuleux sextet. Jeudi, le 9 juin, vous êtes tous conviés à l'ouverture de la merveilleuse terrasse de la Barberie. Tous les détails sur le nouveau site de labarberie.com. Remis au lendemain en cas de pluie. Et à l'année prochaine en cas de neige. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Tu les vis là-bas? Je te sais. Calais à Québec. Calais à Québec. Une rencontre avec la comédienne Florence Lompré, signée Marilyn Laflamme. Mais moi, ça m'a pris vraiment du temps avant d'être acceptée à l'école de théâtre. J'ai fait mes auditions 3 fois. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, alors je ne serai pas la grosse torche, on va la prendre.